Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local en parlant des Jeux du Québec qui se déroulent à Alma. Donc, on sait que ça s'est très très bien déroulé, l'ouverture des Jeux du Québec. Et Émilien Blackburn de Chicoutimi a signé une médaille d'or hier aux 1500 mètres. On parle évidemment de patinage de vitesse. Et notons également que Victoria Garreau a remporté également une médaille d'argent. Tous les deux sont de Chicoutimi. Et jusqu'à maintenant, la région a récolté 6 médailles, dont 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Pour en savoir davantage, je vous invite à écouter les reportages de Camille Girard en provenance d'Alma, où elle nous fait un compte-rendu à tous les jours dans la section entrevue de danradiosport.com. On va parler de Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc qui est en action en fin de semaine. Tim Tremblay qui a terminé deux fois au deuxième rang dans la catégorie Pro Open. Il a couru vendredi et samedi. Jusqu'à maintenant, le coureur de Saint-Jean-d'Arc est à 30 points d'avance sur son plus proche rival avec deux courses à faire. La prochaine compétition aura lieu à l'Iowa en fin de semaine prochaine. On va suivre évidemment Tim Tremblay. Maintenant, on va parler des Saguenayens de Chicoutimi qui étaient en action au cours du week-end et ça a mal été pour la troupe de Yannick Jean. Deux défaites, les Saguenayens qui étaient à Moff. Samedi à Gatineau, les Sagues ont perdu 6-1. Dimitri Zoukenov a marqué le seul but des Saguenayens. Et vendredi, défaite de 6-3 contre les Tigres de Victoriaville. Trois filets de Nicolas Roy, deux passes de Dimitri Zoukenov et de Frédéric Girard. Maintenant, quatre passes de Samuel Girard des Cataractes de Shawinigan ont conduit un gain de 6-2 sur l'Océanique de Rimouski. Ça s'est déroulé samedi. Et hier, une autre passe de Girard dans un gain de 6-2 contre les Tigres de Victoriaville. Du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, ils ont gagné 3-1 sur le Drakkar de Baie-Comeau. Et les Huskies ont également gagné 5-2 sur les Voltigeurs de Drummondville. Niveau de la Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont gagné 3-2 sur les Trois-Rivières. Jean-Simon Allard, un but de passe. Hugo Carpentier et Jonathan Paiement ont aussi marqué. Ligue junior régionale maintenant. Les Éperviers de Normandin ont joué à deux reprises. Ils ont gagné 5-1 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Trois buts de Vincent Boivin. Vincent Larouche et Mathieu Larouche ont amassé deux passes. David Gagnon et Jonathan Bérubé ont également ajouté des buts dans la victoire. Et vendredi, gain de 3-2 des Éperviers sur les Sabres de Robertval. Le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné 4-2 sur les Marquis de Jonquin au cours du week-end. Simon Lepage, 2 buts. Mathieu Delbois, 1 but de passe. Et belle victoire également des Ambassadeurs de Chicoutimi, 6-4 sur les Marquis de Jonquin. Deux filets de Julien Paquette, 1 but de passe de Julien Fillon, de même que Philippe Girard. Et également Thomas Laplace qui a marqué. Pour les ambassadeurs également, Frédéric Roy a fait bouger les cordages également. Et au niveau Bantam, les Hurricanes de Massillage ont gagné 4-3 sur les Saguenayens de Chicoutimi. Le sport local et régional, à danradiosport.com.